Chapitre 4. 25 mai. Je suis allé tous les jours me promener du côté de Draveil, dans l'espoir de la rencontrer. Que dirait ce misogyne de Kavarok si je lui avouais ma faiblesse et que je ferais des folies pour apercevoir seulement le bout d'un voile de gaze bleu? Sans doute, comme au temps où nous avions rendez-vous, en sortant du cours de droit romain au café Voltaire, l'ami Kavarok me ferait, d'après Schopenhauer, de fougueuses tirades sur le danger de céder aux sollicitations du génie de l'espèce. Mais je me soucie bien du génie de l'espèce et de Schopenhauer, moi, maintenant. Maman continue à me dire qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'il vaut mieux patienter quelques jours encore avant de faire une nouvelle visite aux ormes. Elle a raison. Elle est la sagesse même, cette adorable mère. Oui, mais que c'est dur d'attendre. 2 juin. Visite à l'abbé. Comme d'habitude, la porte du presbytère était ouverte. J'entre dans le salon, personne, sauf Brahma, qui gambade sous le regard bienveillant de l'amené et du père Lacordaire, accroché au mur. Je sors dans le jardin. Une voix gouailleuse, paraissant venir d'entre ciel et terre, me jette ce salut. « Bonjour, Obermann. » Je cherche des yeux l'abbé. J'aperçois une échelle appuyée contre le tronc d'un gros cerisier, et au milieu des branches, quelque chose de noir qui remue. « Êtes-vous, dis-je à cette forme vaguement entrevue, êtes-vous Jéhovah dans le buisson ardent ou simplement un épouvantail à moineaux ?»« Ni l'un ni l'autre, » répond la voix avec le plus pur accent de Ménilmontant. « J'échenie, mon ami, j'échenie. Mon métier de prêtre est d'échenier les âmes, et vous le voyez, je traite ce cerisier comme un de mes paroissiens. Tenez un peu l'échelle, que je descende. » Et avec l'agilité d'un gabier qui court dans les haubans, en deux temps l'abbé dégringole. Nous sommes allés nous asseoir, comme il y a un mois, sur le banc de car, au fond du jardin. Les blés sont maintenant hauts et drus. Sur les épis, déjà lourds, passent à chaque souffle de brise de grandes ondulations lentes qui se propagent comme une vague d'un bout à l'autre de la plaine, et donnent à cette immense nappe de verdure quelque chose de l'aspect ondoyant et fluide de la mer. Les coquelicots et les bleuets sont si nombreux à certains endroits que leur ton rouge et bleu, mêlé à la verdure, rappelle ces étoffes changeantes dont la nuance indécise chatoie sous le regard, comme la gorge d'un pigeon. À côté des champs de seigle et d'avoine, il y a des morceaux de prairies couverts de marguerites et de pâquerettes, qui semblent de grands draps blancs, étendus au soleil. D'autres, constellés de boutons d'or, sont d'un jaune vif qui tranche sur la pourpre violacée des trèfles en fleurs. Et c'est chose merveilleuse que la richesse et la variété de ces teintes. Comme cette vue est aimable et riante, ai-je dit à l'abbé. « Ah, vous en convenez. Vous n'étiez pas de cet avis pourtant il y a quelques semaines. Tant on a eu raison de dire qu'un paysage est un état d'âme. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi? Parce que c'est moins l'aspect de cette plaine qui a changé que vous-même. Vous croyez, j'en suis sûr. » À ce moment, un bruit sec de roues rebondissant sur le pavé a retenti de l'autre côté du mur. Et je suis resté muet devant l'abbé, j'ai rougi, j'ai pâli, car ce bruit, il me semblait l'avoir entendu déjà, et que sûrement, il devait être produit par un panier attelé d'un petit cheval noir. « Écoutez, » ai-je dit en lui prenant le bras. « Eh bien quoi, c'est une carriole qui passe, ne me serrez pas si fort. »« Non, non, ce n'est pas une carriole, écoutez. » »« Le voilà qui s'arrête, à la porte. » »« Qui ?»« Le panier, parbleu. » »« Un panier, quel panier ?» « Mais vous le savez bien, est-ce qu'il y en a deux? Celui de Mademoiselle Claire, enfin. Tenez, la voilà. » La porte du presbytère vient de s'ouvrir en effet, et livre passage à la femme que j'adore, à celle qui m'a rendu, sans le savoir, la gaieté et la jeunesse, à celle qui a changé mon âme. De l'endroit où nous sommes, je la vois qui se dirige vers le perron en faisant sonner sur l'asphalte de la petite cour le talon de ses bottines. Elle monte les 5 marches, entre dans la maison et nous l'entendons qui demande « Y a-t-il quelqu'un ?»« Par ici, mademoiselle, par ici !» crie l'abbé, et nous quittons le kiosque pour aller au-devant d'elle. Comme je bénis la fantaisie qu'elle a eue de venir aujourd'hui dire bonjour en passant au curé. Nous avons causé de choses fort indifférentes. Je me suis appliqué à ne rien laisser paraître du trouble qui m'avait envahi lorsque je l'ai aperçu, mais je n'ose me flatter d'y avoir tout à fait réussi. Me trompais-je? Il me semble que j'étais de sa part, pendant les quelques minutes qu'a duré cette délicieuse, quoique trop courte entrevue, l'objet d'un examen attentif et persévérant qui, après quelques constatations d'ensemble, s'est localisé bientôt sur ma cravate et sur mon parapluie. L'une dont le nœud, je l'avoue, était un peu lâche, l'autre dont le manche aura paru, je le crains, un peu rustique. Le reste de ma personne n'a pas été soumis à une enquête aussi minutieuse. C'est bon signe, sans doute, comme lorsque l'œil du colonel passe sans s'arrêter sur l'équipement d'une recrue. Oui, mais cette cravate et ce parapluie, oh, Cavaroc, vois où j'en suis réduit déjà. Je tremble à la pensée que peut-être il n'était pas d'ordonnance. Elle m'a demandé des nouvelles de maman. Que m'a-t-elle dit encore? Que lui ai-je répondu? Je devrais le savoir. Et je m'aperçois que je l'ai à peu près oublié. Elle a parlé, et j'étais plus attentif au son de sa voix, qui est charmant, qu'au sens de ses paroles. J'ai répondu, je ne pensais point à ce que je lui disais, mais seulement à ce que je ne pouvais pas lui dire. Elle m'a tendu la main, que j'ai serrée trop fort, j'en ai peur. Elle est partie. Je suis resté, planté comme un piquet, à la même place jusqu'au moment où le bruit des roues sur le pavé de la grande rue a cessé de se faire entendre. L'abbé m'a dit avec son air narquois, « Eh bien, mon cher Raymond, pensez-vous toujours que la vie ne vaille pas la peine d'être vécue ?»« Non, lui ai-je répondu, je ne le pense plus. Car à quoi bon essayer de vous le cacher? J'ai maintenant un but et une espérance. » Alors l'excellent homme a levé deux doigts en l'air, comme s'il allait me donner la bénédiction, et, moitié sérieux, moitié souriant, il m'a dit « Au nom de la jeunesse, de l'amour et de la vie, au nom de toutes les bonnes et saintes choses dont vous avez médit, pessimiste repentant, je vous absous. »